Mais nos rires cessèrent. Nous n'échappâmes plus un mot, la gorge serrée pour l'anxiété. Nous venions de comprendre la terrible situation où était Cyprien. Dans la chute de la maison, ses pieds se trouvaient pris entre deux poutres. Il demeurait pendu, sans pouvoir se dégager, la tête en bas, à quelques centimètres de l'eau. Ce fut une agonie effroyable. Sur le toit de la maison voisine, Aimée était toujours debout, avec ses deux enfants. Un tremblement convulsif la secouait. Elle assistait à la mort de son mari. Elle ne quittait pas du regard le malheureux. Sous elle, à quelques mètres d'elle, elle poussait un hurlement continu, un hurlement de chien, fou d'horreur. « Nous ne pouvons le laisser mourir ainsi, » dit Jacques éperdu. « Il faut aller là-bas. » « On pourrait peut-être encore descendre le long des poutres, » fit remarquer Pierre. « On le dégagerait. » Il se dirigeait vers les toits voisins lorsque la deuxième maison s'écroula à son tour. La route se trouvait coupée. Alors, un froid nous glaça. Nous nous étions pris les mains, machinalement. Nous les serrions à les broyer, sans pouvoir détacher nos regards de l'affreux spectacle. Cyprien avait d'abord tâché de se raidir. Avec une force extraordinaire, il s'était écarté de l'eau. Il maintenait son corps dans une position oblique. Mais la fatigue le brisait. Il lutta pourtant, voulut se rattraper aux poutres, lança les mains autour de lui pour voir s'il ne rencontrerait rien ou s'accrocher. Puis, acceptant la mort, il retomba. Il pendit de nouveau, inerte. La mort fut lente à venir. Ses cheveux trempaient à peine dans l'eau, qui montait avec patience. Il devait en sentir la fraîcheur au sommet du crâne. Une première vague lui mouilla le front. D'autres fermèrent les yeux. L'entouvant, nous vîmes la tête disparaître. Les femmes, à nos pieds, avaient enfoncé leur visage entre leurs mains jointes. Nous-mêmes, nous tombâmes à genoux, les bras tendus, pleurant, balbutiant des supplications. Sur la toiture, Aimée, toujours debout, avec ses enfants serrés contre elle, hurlait plus fort dans la nuit.